Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 31e numéro du mag. Comme chaque semaine, nous vous proposons le tour d'horizon de l'actu télé et ciné concernant les adaptations de comics, mais également les dernières news en comics VF et VO. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 31e numéro du mag. Et cette semaine, une émission en duo, puisque je ne suis qu'avec Irish. Salut. Duo ne veut pas dire mauvaise émission, hein, parce qu'après tout, Non, les meilleurs sont là. voilà, c'est que la crème de la crème. Allez, on va commencer comme d'hab, les news du côté de la télé. Pour vous dire que à peine sorti, déjà adapté, c'est bien sûr Unfollow. Unfollow, c'est un comics Vertigo qui est sorti là au mois de novembre. Il doit y avoir 2 semaines à peu près, qui raconte l'histoire d'un milliardaire multimilliardaire qui est mourant, qui est en phase terminale et qui décide qu'il va partager sa fortune au hasard entre 140 personnes. Enfin, au hasard, on verra que c'est peut-être pas vraiment le cas. Et puis rapidement, une de ces 140 personnes meurt. Et du coup, toutes les autres se retrouvent à la fois suspectes et prochaines victimes potentielles. Donc voilà le pitch du comics qui a démarré là au mois de novembre. C'était plutôt sympa. Et bien, ABC a acheté ça et on va retrouver donc peut-être Unfollow en série télé. Le pitch comme ça te. Ça a l'air intéressant. Ça Ouais. surfe un peu sur la mode en plus des Twitter et compagnie. Ça fera une nouvelle. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais, on verra ça du coup. Faut déjà qu'un pilote soit tourné, etc. Hein, donc c'est pas pour maintenant, mais bon. Bah, c'est déjà une bonne, c'est déjà un peu intéressant. Après, avoir, comme tu dis, déjà le pilote pour voir si vraiment ça peut être transformé. Et puis est-ce que le pilote sera diffusé? Est-ce que la série sera prise? Enfin, voilà, pour le moment c'est une option. Ce qui ferait pas mal de séries comics du côté d'ABC, hein, quand on prend Agents of Shield, Agent Carter, bientôt la série sur Mockingbird, Damage Control qui va arriver aussi, on rajouterait peut-être du coup Unfollow, ça fait. Même dans le secteur des séries en général, il y en a déjà pas mal, hein. Il y en a de plus en plus comparé à une certaine époque où les séries comiques, tu les comptais sur le bout des doigts. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas loin de, même au niveau des podcasts, la série s'allonge. C'est ça, sur chaque chaîne, il y a autant de séries comics qu'à l'époque, il y en avait en tout, quoi. Bah, ça marche, hein. C'est la seule explication. Je pense que ça marche. Enfin, ça marche. Et là, il y a un public pour. C'est ça. Elle a bien marché l'année dernière, elle revient forcément cette année, c'est Peggy Carter qui va revenir sur ABC. On a la date de retour au mois de janvier, le 5 janvier sur ABC. Donc c'est parti pour une deuxième saison avec l'agent Carter. On a eu une petite vidéo cette semaine aussi, je sais pas si tu l'as vue. Non, non. Bah, Agent Carter, c'est une série que j'ai pas beaucoup suivi, parce que justement par rapport à ce qu'on parlait, à ce qu'on disait tout à l'heure concernant le fait qu'on était, il y avait pas mal de séries de comics. Donc Agent Carter, c'est une série dont j'ai une impasse pour l'instant, mais juste pour l'instant, parce que je compte. J'ai entendu beaucoup de bien de Ouais, la puis ça va série. vite, hein, 8 épisodes, première saison. Oui, voilà, j'ai regardé. Après, j'ai regardé deux trois par un épisode entier, hein, une trentaine de minutes sur Canal+. Ça a l'air pas mal, mais j'ai pas encore eu le temps de me lancer dedans. Je vais pas faire Comme I don't. comme dit, voilà. Je vais commencer par le commencement. Allez, bah tiens, Supergirl, en voilà une qui a commencé cette année. Ouais, oui. Alors on dira pas Donc. comment, hein, on verra plus tard sur nos débriefs. Vous avez déjà entendu notre avis sur le pilote. Voilà. On a pris deux castings cette semaine. Oui, voilà, donc c'est déjà le casting et toujours des personnages, des acteurs habitués aux séries. Le premier, il s'agit de Charles Alford, qu'on a vu dans Constantine, donc qui devra rejoindre la série Supergirl en tant que J'aime. Ouais. Et le suivant, c'est une bonne connaissance de Melissa Benoist qui joue Ouais, un peu. Supergirl, ouais, puisqu'il s'agit de Blake Jenner, avec qui elle a joué dans Glee. Donc, à nouveau, qui rejoint lui également la série. Et puis, qui accessoirement est son mari. Voilà. Voilà. Donc, forcément, c'est bien d'avoir réussi à le placer là. Bah, on sent que ça fait jouer des relations, là. C'est ça. Il va jouer le rôle d'Adam Foster, a priori, voilà, qui arrive à National City. Ah. Donc on ne sait pas si ça sera un love interest pour Supergirl ou pas, mais bon. Il n'y aura pas trop de mal, tu Non, c'est ça. vois. Ce sera peut-être un truc qu'elle réussira à jouer. C'est bien. Et d'ailleurs, en parlant de Supergirl, dont je n'ai pas regardé l'épisode de cette semaine. Moi non plus. Pas eu le temps. Bah, Pareil, pas eu le temps. Jessica Jones toute la semaine et tout, donc non, pas eu le temps. Voilà, non. Bah, je crois qu'on a le même problème, alors finalement. On s'est laissé happer par Jessica Jones. C'est ça. Ce C'est sera ça. maintenant. On en parlera sur nos écrans, peut-être. La semaine prochaine, ouais. Mais déjà Ah, peut-être dans notre bilan de la semaine, on va dans le bilan de la savoir. semaine. Eh bien, Jessica Jones, on est dedans justement. On a appris par la showrunner de la série, Melissa Rosenberg, que le personnage de Trish Walker, donc qui fait partie de la série, meilleure amie de Jessica, Jessica. ben, n'était pas prévu au départ, puisqu'au départ, on avait le personnage qu'on voit dans les comics aux côtés de Jessica Jones, c'est-à-dire Carol Danvers. Donc, Carol Danvers, Alias Captain Marvel, Captain évidemment. Marvel. Donc, Melissa Rosenberg nous explique pourquoi elle a été remplacée par Trish, mais bon, on s'en doute. Captain Marvel a obtenu son film, donc bah, hors de question de la mettre dans la série. Oui, justement, c'est ce dont on avait déjà parlé. J'avais mis un petit bémol à l'origine sur Jessica Jones concernant Luke Cage. Et peut-être c'est aussi ça, le fait déjà qu'on avait déjà un personnage qui allait avoir sa propre série. Et de mélanger autant des personnages qui allaient bien traiter plus tard, ça pose problème aussi. Donc du coup, point de Captain Marvel et ben on a eu L4 à la place. Alors, on n'est pas défleuré. C'est ça. 20 ans, c'est 2018, 2019. Oh, peut-être 2019, oui, je sais C'est plus, ça. mais c'est loin. Ouais, c'est long, c'est très long. C'est loin. On n'a toujours pas le casting pour Captain Marvel. Non, pas encore. Donc a priori, à moins d'une grosse surprise, elle ne sera pas dans Civil War ou Non. dans un prochain film. Et ce ne sera pas Ronda Rousey, contrairement à Zatanna, je le Voilà. crois. Daredevil va revenir, évidemment. Jessica Jones vient à peine de s'installer à Hell's Kitchen que déjà, pour ceux qui ont vu la saison 1 au complet, bah on se tourne déjà vers la saison 2 de Daredevil. Et pour patienter, Funko a annoncé cette semaine qu'on allait avoir droit à toute une gamme de fameuses figurines pop qui sont vachement en vogue en ce moment. Ouais. Il y en a quatre qui sont prévues. Daredevil en costume rouge, Daredevil en costume noir, Matt Murdock et Wilson Fisk. Alors, je sais pas si tu les as vus en image. Ouais, si, je les ai vus. Ils sont plutôt jolis, hein, ça fait La très salle de bien. Matt Murdock est particulièrement classe, je trouve. Exactement, exactement. Ouais. C'est celle à laquelle je pensais. En deuxième, celui avec le costume. Je n'ai pas trouvé celui avec le costume vilain. Costume noir ou rouge? Rouge. Je suis avec le costume rouge. Ça fait un peu petit œil pour Happy Meal. Ouais. Mais c'est pas, j'ai pas trouvé, j'ai bien apprécié. Mais effectivement, la première place revient à celui de Matt Murdock. Wilson Fisk est pas mal non plus, mais dommage, je l'aurais vu un tout petit peu plus grosse en fait, plus imposante en taille que les Oui. autres figurines. Ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus grands et plus imposants, parce qu'on sait qu'ils font pas que des figurines taille standard, hein, ils ont déjà fait des figurines un peu plus grandes. Donc je pense que Wilson Ouais. Fisk l'aurait mérité par sa carrure par rapport aux autres personnages de la série. Voilà quoi. En tout cas, c'est une bonne idée de petit cadeau de Noël, même pour décorer les sapins. C'est ça. On a une date, ça y est, pour Legends of Tomorrow qui arrive bientôt. Bah oui, bah c'est donc ça devrait arriver le 21 janvier, le spin-off croisé de Arrow et The Flash. Ouais. Donc, il devra arriver le 21 janvier. On a déjà pratiquement tous les personnages ont déjà été introduits dans les différentes séries Arrow et The Flash. Donc, Il manque Vandal Savage et oui, puis on a Savage Wilson et Hawkman. Hawkman aussi, oui, puisque Hawkgirl est introduite, mais Hawkman pas encore. Mais ça va arriver, hein, puisqu'avec le crossover, on sait qu'ils sont dedans. Oui. Et Et... le crossover, je pensais que le crossover c'était Legend of Tomorrow. Il y a un épisode crossover avant Legend y of a un Tomorrow. crossover entre Arrow et Flash, oui, qui arrive là et qui devrait introduire Hawkgirl, Hawkman, voilà, et servir un peu de pont vers Legends of Tomorrow. Et je crois que c'est la semaine prochaine. C'est excitant tout ça. Du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que le 21 janvier, c'est un jeudi. Donc, ce qui voudrait dire qu'une fois que Flash et Arrow seront revenus, on aura Flash le mardi, Arrow le mercredi et les Legends le jeudi. Ah, ça va faire un beau programme là. Espèce de semaine de fou là. Ouais, ça Avec suffit. Les Supergirl le lundi. The Walking Dead aussi. Ah non, The Walking Dead, The Walking Dead, c'est toujours le dimanche. On ils seront. parle de jour aux États-Unis. Hein. Ah, ok, d'accord, Parce que là, oui. chez nous, forcément, c'est le lendemain matin. C'est normal, ouais. Mais dans ta liste, il ne faut pas oublier quand même l'excellent Agent of Shield. Le mardi aussi, voilà. Voilà, tu vois, on a l'air. Et puis d'autres, hein, parce que Carter sera là aussi le mardi. Enfin bon, bref. Il y a de quoi faire pour tous les jours de la semaine. C'est Voilà, ça. pour ne rien faire tout le week-end, juste la Exactement. télé-série. Oui, voilà. Bientôt, on va faire poser des RTT pour voir tout ça. C'est clair. Allez, on a fini avec l'actu télé. On va passer aux comics VF. Quelques annonces, alors très rapides, hein, de Panini qui a annoncé deux magazines en février dans la série Last Days. Donc Last Days, c'est toutes les séries un peu liées à Secret Wars qui racontent les derniers jours de certains personnages avant Secret Wars. Donc on aura en avril, ouais, un mag autour du Punisher, donc qui vivra ses dernières heures. Il y aura deux numéros a priori, un en février, un en avril. Février, c'est X-Men qui aura un hors-série consacré à Magneto. Donc pareil, les Last Days de Magneto. Et puis des tas de tomes qui ont été annoncés en librairie et à chaque fois, ce sont les derniers tomes de série. Cable et Deadpool, le tome 4. Iron Fist, le tome 2. Donc ça, c'est pour février. Et pour mars, c'est Invincible Iron Man, tome 6, Matt Fraction. Et puis Superior Spider-Man, tome 6 et dernier aussi de Dan Slott. Voilà. Donc une palanquée de sorties qui est encore annoncée cette semaine par Panini, et puis tout doucement, on va avoir le programme de février qui va être presque entièrement constitué. Pas une grosse semaine, l'impression. Non, pas grosse semaine d'annonce. Sachez juste que Convergence, ça y est, on le sait, arrive en VF. Enfin, on le sait. Urban ne parle pas du tout de ça. Hein, en même temps, je les comprends. Mais juste si on lit les éditos des kiosques du Batman Saga, notamment qui est sorti bah, vendredi, dans l'édito en première page, petit texte qui explique un petit peu ce qu'on va retrouver dans le magazine, etc. Ils font deux, trois phrases pour dire que toutes les sagas sont en train de se conclure, tous les arcs se concluent, et c'est pas pour rien, c'est parce que on a encore un numéro en décembre qui sera avec des histoires à peu près classiques et quelques fins d'arc encore. Et puis dans 2 mois, ce sera des histoires de convergence, donc au mois de janvier. Donc on peut s'attendre à ce que Convergence arrive en janvier du côté d'Urban. Wow. Actu ciné maintenant, et c'est pour toi, Irish, cette fois. Et on n'a même pas encore Apocalypse. Qu'on a déjà un troisième X-Men en tournage et encore à Montréal. Donc, puisque le Days of Future Past, déjà, ils avaient tourné à Montréal. Ensuite, l'Apocalypse qui doit arriver donc l'année prochaine. Et il vient de se terminer, le tournage vient de se terminer à Montréal. Donc, même s'il y a eu quelques reshoots, on en parlait il y a quelques semaines concernant Wolverine. Ouais. Et donc là, la Fox réinstalle les studios. Bah, a priori, tournage en 2017 et encore avec Bryan Singer. Et Deadpool, c'est aussi du côté de la Fox. Ça arrive là beaucoup plus rapidement que ça, parce que c'est pour le mois de février de l'année qui vient. Et bah, la promo s'intensifie. Deadpool continue la promo, on va dire, décalée. Et puis, on a eu donc cette semaine droit à un poster de Noël, où Deadpool a un bonnet du Père Noël. Il est assis dans un fauteuil rouge classique, comme celui qu'on voit dans les magasins, et il nous invite à venir s'asseoir sur les genoux. Et moi, je trouve que la communication est très bonne quand même sur Deadpool. Hein. Il y a vraiment l'esprit, on retrouve un peu l'esprit du comics, du moins Ah bah oui. dans le marketing et la promotion autour du film. Après, on verra pour ce qu'il en est du film, mais pour l'instant, ils sont pas, ils ne se ratent pas. Les petites vidéos, je me souviens de la vidéo où il défonce avec un projecteur. Très bonne communication de la part de la Fox concernant Deadpool. On voit que Ryan Reynolds essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes conneries qu'avec Green Lantern. On a appris quelques petites choses également du côté de DC, parce que là on a parlé de X-Men et de Deadpool donc pour la Fox, mais Warner et DC ne sont pas en reste cette semaine. Et c'est une femme, un personnage féminin de DC qui a fait l'actu toute la semaine. Wonder Woman. Ah oui, donc son interprète Gal Gadot, qui a posté une photo d'elle en Wonder Woman sur Twitter avec le hashtag Wonder Woman is underway. Donc le tournage est bien En bien cours. en cours. Et il y a pas mal de personnes qui ont rejoint le casting. Je pense qu'on parlait de Robin Wright. Ouais. Et j'ai oublié plein d'autres, mais. Bah, on a aussi Danny Huston, David Soulis, Evan Bremner, Saïd Tagmaoui, Elena Anaya, Lucy Davis, enfin voilà. Ah, Saïd Tagmaoui, c'est bon ça. Ouais, qu'on a vu dans American Hustle notamment. Donc Ouais. voilà, au casting, et puis évidemment Chris Pine en Steve Trevor. Ouais. On a vu une image récemment de lui en Steve Trevor. Gal Gadot, donc, à son tweet, a joint une photo d'elle Oui, en costume de tournage. Enfin voilà, sur Amazon. j'ai envie de Mais dire, c'est. une photo de elle déguisée en Jedi. Avec la capuche. Ouais, puis même le décor un peu brumeux avec l'espèce de végétaux là sur le monument derrière elle. Enfin, elle est sur Naboo, quoi. Ouais, non, ça Dingue. fait, c'est excitant tout ça, hein. C'est prometteur. D'ici, ils promettent beaucoup. Après, Ouais, c'est, espérons. ça devient enfin concret. Oui, après, je reste dans la concrète. On n'a pas encore vu les films. Non, mais voilà, au moins on sait qu'ils sont en train de se préparer et qu'ils arrivent. Donc par contre après bah, c'est comme les séries, hein, on va en manger. Oui, tout à fait. Déjà que Marvel nous abreuve pas mal. Mais moi, je suis preneur. Hein. Oui, bah oui. Je n'ai pas de soucis. Ils peuvent envoyer autant que Pour terminer ce mag, on va passer à l'actu des comics en VO. On en a parlé plusieurs fois. Après les soucis sur Aquaman, Cullen Bunn a jeté l'éponge. Donc, on a appris que Geoff Johns allait revenir sur le titre. DC a annoncé, au travers notamment de ses sollicitations de février, la nouvelle équipe créative sur Aquaman. Donc, en attendant l'arrivée de Geoff Johns, et puis aussi sur d'autres séries. Donc, bah, pour ce qui est Aquaman, numéro 49, donc, qui sortira en février, sera scénarisé par Dan Abnett, qui est en ce moment sur Titan Hunt. Et sur Earth 2 Society, il sera donc dessiné par Vicente Cifuentes, qu'on a vu notamment sur Batman Superman. Ils prendront la relève de Cullen Bunn. On nous a annoncé aussi du côté de chez DC la nouvelle équipe créative pour la série New Suicide Squad, donc ça sera le numéro 17, et à partir de ce numéro-là, ce sera scénarisé par Tim Seeley à la tête de Grayson, excellente série Grayson, et ce sera illustré par Juan Ferreira, qu'on a pu voir notamment sur Gotham by Midnight et Batman Eternal. Et puis pour terminer les nouvelles équipes, on a Teen Titans numéro 17, Greg Pak arrive au scénario et sera accompagné de Noël Rodriguez. Voilà, pour tous le jeu des chaises musicales, on va dire, du côté de chez DC. DC qui, de toute façon, n'attend qu'une chose, et ça arrive vite, parce que c'est la semaine prochaine, c'est Dark Knight 3, soi-disant Frank Miller, mais qui en fait est écrit par Brian Azzarello. Frank Miller a juste posé son nom, il l'a avoué à demi-mot, et pour nous annoncer, Bah oui, qui revenait sur le Dark Knight 4. Donc voilà. il sera officiellement, ce sera vraiment lui. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Sachant maintenant, oh là, sachant que Dark Knight 3 était censé être le chapitre final de la trilogie, et ben ça sera une trilogie à 4 épisodes. Donc Dark Knight 4, bah voilà, il annonce qu'il travaille dessus. Alors après, pour quand est-ce que ce sera, ça on sait pas. Pense qu'ils vont déjà commencer à accueillir le 3. On va voir déjà voilà comment marchera le 3. Bah après, si c'est Brian Azzarello qui est vraiment derrière tout ça, validé par Mark Miller, certes, mais voilà, Azzarello en général signe plutôt de bons scénarios, donc il y a des chances que ça fonctionne. Après, faut voir effectivement, il faut peut-être attendre avant d'annoncer le 4, de voir un peu comment va se comporter le 3. Et puis surtout, je suis pas sûr que DC était prêt à officialiser ça. Frank Miller, il a un peu tendance à parler un peu vite et. Oui, bah surtout au moment où ils sortent le 3, hein, ce sera un peu bizarre. Ouais. Pour continuer sur les news, Justice League of America, c'est la série là, du DCU qui a commencé mois de juin, qui était écrite et dessinée par Brian Hitch, qui était soi-disant en train de travailler dessus depuis 8 ans, etc. C'était son projet depuis 8 ans, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Et ben, on arrive au numéro 5, qui sort le 25 novembre. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ce numéro 5? Et ben, c'est pas lui qui le dessine. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui l'écrit. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? J'ai un peu l'impression. Monsieur, ça fait 8 ans que je prépare ma série. Je suis déjà en retard au bout de 4 numéros et je me fais remplacer. Ça fait pas sérieux tout ça. Y a quand même un souci. Alors, je ne sais pas si on le savait depuis un petit moment ou si ça a été changé un peu sans trop qu'on nous l'annonce de manière officielle. Mais voilà, c'est à l'occasion de la sortie de la preview qu'on a pu remarquer ça. La preview du numéro qui sort donc bah, demain. Voilà, on a vu que le scénario est de Matt Kint et Rob Williams, et puis les dessins sont de Philippe Tan. Alors, les dessins sont super beaux, hein, ça, y a pas à dire, mais Ah voilà. oui. Ah, Soit disant, je travaille dessus depuis des années, et puis voilà. Bon, on a l'habitude avec lui, mais j'ai bon, voilà. C'est pas très respectueux, je trouve. 2016 sera-t-elle l'année de Mockingbird, puisqu'on sait qu'elle va avoir sa série télé? A Ouais. priori. Hein, une série qui sera un peu centrée sur elle, Marvel's Most Wanted, et Marvel en a profité pour annoncer là très récemment que Mockingbird aurait une série solo en 2016. Ça fait plutôt. Moi, ça me ferait plaisir. C'est. Attends, Mockingbird, c'est bien. C'est Bobby. C'est Bobby Morse, ouais, C'est c'est ça. Bobby dans la Donc, tête au chien. oui. Bah, forcément, forcément, je ne serais que ravi. Voilà. Donc du coup c'est Chelsea Kane, hein, on avait déjà parlé, je crois, de cet homecoming qui sera au scénario. Il a donné quelques détails là cette semaine sur la série. La mission de Bobby Mockingbird, donc dans cet homecoming, sera de nettoyer le Shield. Avec Hunter, sûrement, du coup. Ah, ça, on ne sait pas si Hunter va arriver dans les pages des comics, mais du coup voilà pour cette précision, et puis voilà donc pour les news VO de cette semaine. Ce qui conclut notre mag, qui aura été un mag d'une durée à peu près normale par rapport à ce qui est prévu les autres semaines. Ça aide, hein, comme quoi, de pas être Très nombreux. 50. Donc, du coup, on se retrouve jeudi, encore avec Irish, encore pour une émission en duo, et on vous fera jeudi le débrief d'I Zombie et de Walking Dead. Voilà, les deux séries zombies vont passer un peu sous les feux de notre débrief, et puis on verra comment elle se comporte depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Pour Jessica Jones, il faudra attendre une semaine encore. On laisse un peu le temps à tout le monde, à la fois chez Regardez. nous, mais aussi chez vous, auditeurs, de l'avoir vu avant de vous faire un bilan de la saison. Voilà. Je ne sais pas chez les auditeurs, mais je pense chez nous, tous ne doivent pas être très loin de la fin. Ben là, on est dimanche 22 et pour le moment, dans l'équipe, je suis le seul à l'avoir terminé. Ah oui? Bah, bon, moi, c'est juste Je parce sais que qu'il en j'étais. manque un à Arnaud. Clément, pareil, il n'y a pas énormément encore avancé. Donc Oui, voilà, il manque trois. Il manque on n'est pas encore. Il manque 2,5. Ouais, 2,5, pour être précis. Toi, t'en as vu combien? Il t'en manque 2,5? Ouais, j'en ai vu. Je suis 11e là. D'accord. Et t'as réussi à t'arrêter au milieu d'un épisode? Bah, parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Fou J'avais du vraiment pas le podcast. choix. Mais non, c'est même pas le podcast. C'est pas le podcast. C'est oui, aussi entre autres le podcast, puisque je devais. Il fallait absolument que je finisse l'épisode de The Walking Dead. T'imagines l'ascenseur émotionnel, tu passes de. Ah Tu passes de voilà, ça Jessica vous Jones. laisse un petit aperçu de ce qui vous attend jeudi. Allez, Voilà. bonne lecture, bon comics et à jeudi. À jeudi, salut.